بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Cette sourate, nous l'avons révélée et l'avons imposée en y faisant descendre en révélation des versets explicites. Peut-être en méditerez-vous le sens. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. À la fornicatrice et aux fornicateurs, donnez à chacun son coup de fouet, que vous ne prenez nulle pitié pour eux dans l'application de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Un groupe de croyants assistant témoin à leur châtiment. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Un fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associâtre. Une fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associâtre. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Et cela a été strictement défendu aux croyants. Ceux qui portent des accusations contre des femmes chastes, puis ne produisent pas quatre témoins pour les prouver, infligez-leur 80 coups de fouet, et ne vous fiez plus jamais à leurs témoignages, car ceux-là sont les pervers. À moins qu'ils ne se repentent par la suite et ne s'amendent. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Ceux qui portent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, chacun d'eux devra attester quatre fois par Allah, il dit vrai. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. La cinquième fois, il appellera la malédiction d'Allah sur lui, s'il est du nombre des menteurs. La femme ne sera pas passible du supplice si elle atteste quatre fois par Allah que son époux est un menteur. La cinquième fois, elle appellera la colère d'Allah sur elle, si son époux dit vrai. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. S'il n'y avait les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, Allah est tout absoluteur et sage. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ceux qui répandent des calomnies sont un groupe parmi vous. Ne croyez pas que ce soit un mal pour vous, mais plutôt un bien. Chacun d'entre eux devra répondre de son péché, mais l'auteur de la plus grande part de ces calomnies aura un terrible supplice. Si seulement, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes avaient eu une idée plus favorable d'eux-mêmes et avaient dit « c'est manifestement une calomnie ». لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Que n'ont-ils pas appelé quatre témoins ? S'ils n'ont pas de témoins, ce sont eux, pour Allah, les menteurs. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Sans les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, en ce moment et dans l'autre, un terrible supplice vous aurait atteint, pour avoir donné libre cours à la calomnie. C'est que vous faisiez courir le bruit avec vos langues, et vous disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucune connaissance. Vous en faisiez peu de cas, mais pour Allah, cela est d'une grande gravité. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Que n'avez-vous pas dit en l'entendant ? Nous n'avons pas à parler de telles choses. Gloire te soit rendue, mais c'est un énorme mensonge. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah vous exhorte à ne plus jamais refaire pareille chose si vous êtes croyant. ويبين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم. Allah vous expose clairement les versets. Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment voir se propager le vice parmi les croyants auront un supplice très douloureux en ce bas monde et dans l'autre. Allah sait, et vous ne savez point. Si vous n'avez les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, Allah est si compatissant et tout miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Oh, vous qui avez cru, ne suivez pas les traces de Satan, car quiconque suit Satan, ce dernier lui ordonne la turpitude et les actes condamnables. S'il n'y avait les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, aucun de vous n'aurait jamais atteint à la pureté. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah entend tout et il est omniscient. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Que ceux d'entre vous qui vivent dans l'abondance et l'aisance ne jurent point de ne plus donner aux proches, aux pauvres, et à ceux qui migrent pour la cause d'Allah, qu'ils pardonnent et qu'ils passent outre. Ne souhaitez-vous pas, vous-même, qu'Allah vous pardonne. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui portent des accusations contre les femmes chastes, vertueuses et croyantes, sont maudits en ce bas monde et dans l'autre. Ils auront un terrible supplice. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux pour ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur juste et pleine rétribution, et eux sauront qu'Allah est la vérité évidente. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Aux hommes mauvais, les femmes mauvaises, et aux femmes mauvaises, les hommes mauvais. Aux hommes vertueux, les femmes vertueuses, aux femmes vertueuses, les hommes vertueux. Ceux-là sont innocents de ce qui est débité sur leur compte. Ils auront pardon et don généreux. Ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Oh vous qui avez cru, n'entrez pas dans d'autres maisons que les vôtres sans en demander d'abord la permission et sans saluer leurs habitants. Cela vaut mieux pour vous. Peut-être vous en souviendrez-vous. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas avant que vous n'y soyez autorisé. Si vous est demandé de revenir sur vos pas, eh bien revenez. Cela est plus pur pour vous. Allah, c'est parfaitement ce que vous faites. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Nul grief ne vous sera fait si vous entrez dans des maisons non habitées où se trouvent des biens vous appartenant. Allah sait ce que vous montrez et ce que vous taisez. Dis aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté. Cela est bien plus pur pour eux. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, et de ne montrer de leur parure que ce qui en est apparent. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles n'exhibent leur parure qu'à leur mari, à leur père, au père de leur mari, à leur fils, au fils de leur mari, à leur propre frère, au fils de leur frère, au fils de leur sœur, à leurs femmes musulmanes, à leurs esclaves, à leurs serviteurs qui ne convoitent pas les femmes, et aux enfants, qui ne savent encore rien sur les parties intimes des femmes. Qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds en marchant, suggérant ainsi ce qu'elles cachent de leur parure. Revenez tous repentants auprès d'Allah, ô croyants. Peut-être aurez-vous la réussite. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Mariez ceux d'entre vous qui vivent dans le célibat, ainsi que les vertueux parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de ses faveurs, car Allah est immense et il est omniscient. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier restent chastes, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de ses faveurs. Ceux qui, parmi vos esclaves, désirent un contrat d'affranchissement, établissez-le avec eux si vous leur reconnaissez quelques vertus. Donnez-leur des biens qu'Allah vous a dispensés. Et âpre bien passager de ce bas monde, ne forcez pas les femmes parmi vos esclaves à se prostituer quand elles tiennent à leur chasteté. Si elles y sont forcées, Allah, après leur contrainte, est absoluteur et tout miséricordieux. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Nous avons fait descendre en révélation vers vous des versets explicites, donnant de ceux qui vécurent avant vous un exemple et un enseignement pour les gentils. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où il y a une lampe. La lampe est dans un cristal, et le cristal est comme un astre brillant qu'allume un arbre béni. Un olivier exposé ni complètement vers l'Orient, ni complètement vers l'Occident, et dont l'huile éclaire presque sans contact avec le feu. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah donne des exemples aux hommes. Allah est de toutes choses savant. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Dans des maisons qu'Allah a donné l'autorisation d'élever, afin que son nom y soit évoqué. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Lui rendent gloire, matin et soir, des hommes que ni commerce ni transaction ne distraient de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Ils redoutent un jour où seront bouleversés et les cœurs et les regards. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Pour qu'Allah les récompense de leurs meilleures actions et leur ajoute de ses faveurs, car Allah dispense ses dons à qui il veut sans compter. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Les œuvres de ceux qui ont mécru seront-elles un mirage dans un désert. L'assoiffé le prend pour de l'eau, mais quand il l'atteint, il ne trouve rien. Il y trouve Allah qui lui dressera son compte. Car Allah est si prompt à dresser les comptes. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Ses œuvres seront encore pareilles aux ténèbres, régnant sur une mer profonde que recouvre vague sur vague, au-dessus desquelles pèsent des nuages. Ténèbres accumulées les unes sur les autres, ou qui étant la main, n'arrive qu'à peine à la distinguer. Celui qui a l'âme ne donne pas de lumière, ne peut avoir de lumière. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Ne vois-tu pas qu'Allah est glorifié par ceux qui sont dans les cieux et sur terre, et par les oiseaux, toutes ailes déployées. Chacun sait comment le prier et lui rendre gloire. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah, tout doit revenir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Ne vois-tu pas qu'Allah pousse peu à peu les nuages pour les accumuler et en faire des amas? Ainsi, peux-tu voir la pluie filtrer à travers eux. Et du ciel, il fait descendre de la grêle provenant de nuages en forme de montagne. Il en atteint qui il veut et en épargne qui il veut. L'éclair de ces nuages est si éblouissant qu'il manque d'emporter la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a certes là un enseignement pour ceux qui savent voir. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله أكيد tous les animaux. Il en est qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes, et d'autres encore sur quatre. Allah crée ce qu'il veut. Allah est de toute chose infiniment capable. Nous avons effectivement fait descendre en révélation des versets explicites. Allah conduit qui il veut vers une voie droite. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Ils disent, nous avons cru en Allah et aux messagers, et nous leur obéirons. Un groupe d'entre eux par la suite se rétracte. Ceux-là ne sont point des croyants. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Quand ils sont appelés vers Allah et son messager, afin que ce dernier juge entre eux, voilà que certains d'entre eux se détournent. Mais si le droit est dans leur faveur, ils viennent vers lui, consentant. Un mal ronge-t-il leur cœur? Sont-ils dans le doute? Ou craignent-ils qu'Allah et son messager ne les laissent en quoi que ce soit? Que non, ce sont plutôt ceux-là les injustes. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Lorsqu'ils sont appelés vers Allah et son messager pour que ce dernier juge entre eux, les croyants ne prononcent qu'une parole. Nous avons entendu et nous obéirons. Ceux-là auront réussi. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Celui qui obéit à Allah et à son messager, redoute Allah et le craint, ceux-là sont les gagnants. Ils jurent par Allah de leur serment les plus solennels, que si tu leur donnais l'ordre, ils sortiraient pour aller combattre. Dis, ne jurez donc point. La nature verbale de votre obéissance est connue. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Dis, obéissez à Allah, obéissez aux messagers. S'il s'y refuse, le messager n'assume que ce dont il a été chargé, et vous assumez ce dont vous avez été chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Tarpado. Et au messager, il n'incombe que de transmettre clairement son message. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah a promis à ceux qui parmi vous ont cru et ont accompli les bonnes œuvres qu'il ferait de des héritiers sur terre comme il a fait des héritiers de ceux qui les ont précédés. Il renforcerait la religion qu'il a agréée pour eux et changerait la crainte qui était la leur auparavant en sécurité. Car il m'adore et rien ne m'associe. Quant à ceux qui après cela se montrent ingrats, ceux-là sont les pervers. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat, et obéissez au messager, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard, wa ma'wahum an-nar wa la bi'sa al-masir. Ne crois surtout pas que ceux qui ont mécru puissent jamais mettre au défi la puissance d'Allah sur terre. Leur séjour sera le feu, et quel horrible devenir. Ya ayyuha alladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-hulma minkum thalath marrat. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Oh, vous qui avez cru, que vos domestiques ainsi que vos enfants qui n'ont pas atteint la puberté demandent la permission avant d'entrer chez vous à trois moments de la journée, avant la salade de l'aube, quand vous enlevez vos vêtements à midi et après la salade de la nuit, Isha. Ce sont là les trois fois où vous quittez vos habits. En dehors de ces moments d'intimité, il ne sera fait grief ni à vous ni à eux que vous alliez et veniez les uns chez les autres. Allah vous expose ainsi clairement ces versets. Allah est omniscient et sage. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Quand ils auront atteint la puberté, vos enfants devront, avant d'entrer dans vos chambres, en demander la permission à tout moment, comme le font les plus âgés. Allah vous expose ainsi clairement ces versets. Allah est omniscient et sage. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Les femmes ayant atteint la ménopause et n'espérant plus se marier peuvent, sans secourir aucun grief, quitter leurs vêtements extérieurs, sans pour autant exhiber leur parure. Mais si elles tiennent à leur pudeur, cela est pour elles bien meilleur. Allah entend tout et il est omniscient. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Il n'y a nul embarras à ce que l'aveugle, le boiteux, le malade et vous-même mangez dans vos maisons. Dans celle de vos pères, de vos mères, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles et tantes paternelles, de vos oncles et tantes maternelles, ainsi que dans les maisons dont vous gardez les clés ou celles de vos amis. Il ne vous sera pas reproché de manger ensemble ou chacun de son côté. Lorsque vous entrez dans telle maison, adressez-vous mutuellement un salut venant d'Allah, béni et avenant. Allah vous expose ainsi les versets. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Peut-être entendez-vous raison. Les vrais croyants sont ceux-là même qui ont foi en Allah et en son messager. Ce sont ceux qui, s'étant engagés avec lui dans une affaire d'intérêt commun, ne le laissent pas sans lui en demander l'autorisation. Ceux qui te demandent la permission de se retirer, ceux-là croient vraiment en Allah et à son messager. Quand ils te demandent l'autorisation de prendre congé, pour quelque affaire les concernant, accorde l'un à qui tu voudras d'entre eux. Et sollicite le pardon d'Allah pour eux, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. N'appelez point le messager comme vous vous appelez les uns les autres. Allah connaît d'ailleurs ceux qui d'entre vous se faufilent et se retirent en secret. Que ceux qui enfreignent ses ordres redoutent d'être soumis à une épreuve ou de subir un supplice très douloureux. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli shay'in 'alim. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre n'appartient certes qu'à Allah. Il sait tout à votre sujet, et le jour où tous seront ramenés vers lui, il les informera de ce qu'ils faisaient. Allah sait parfaitement toutes choses.